septième paragraphe, les cris d'animaux. Tous les cris d'animaux reproduits avec le didgeridoo sont créés en utilisant la voix. Jusqu'à présent, pour tous les exercices, nous n'avons pas utilisé les cordes vocales. Nous allons maintenant utiliser juste la voix, sans le didgeridoo. Commençons en poussant notre voix dans ses tonalités les plus aiguës, puis descendons descrescendo. C'est une façon d'échauffer notre voix en toute sécurité. Nous devons toujours échauffer notre voix avant d'imiter les cris d'animaux. Faisons maintenant le même exercice que précédemment en utilisant le bourdonnement des lèvres. Refaites l'exercice précédent, cette fois-ci avec votre didgeridoo. Vous cherchez à avoir une projection claire de votre voix. Comme si vous vous adressiez à un vaste public pendant une conférence. Et que vous vouliez être entendu par les rangées du fond. Le chien de prairie. Utilisez le son « wa » que vous projetez au travers du bourdonnement de vos lèvres. Puis de même, au travers du didgeridoo. Il est préférable d'obtenir un son haut perché et clair pour que cela soit bien ressemblant. Perroquet australien. C'est un oiseau très bruyant. Son cri ressemble à « kouka, kouka ». Essayons-le avec le didgeridoo. Le corbeau. Il est relativement facile à imiter. Faites un « ko, ko » qui baisse en tonalité sur la fin. Essayez avec le didgeridoo. Il y a beaucoup d'autres animaux que vous pouvez imiter dans la nature. Soyez attentifs, écoutez et essayez de reproduire ceci. Le buffalo. Le kangourou. Le kookaburra. Le kookaburra.